bloc 231. Coordonnées 37.85.36.80. Moins 3.95.29.43. Zone déserte. Plantes rares. L'endroit semble inhabitable, mais on peut entendre au loin des créatures, sûrement de taille importante. Elles ne sont pas localisées sur le radar, donc portée estimée à plus de 50 km au nord-ouest. Nous allons maintenant procéder à l'examen de surface. Composition du sol dans l'énorme SPE, à l'exception du niveau de radiation qui est légèrement plus faible que prévu. Estimation du temps avant d'être une zone habitable, réévaluée à 32 ans. La question maintenant c'est, est-ce que je vais voir ces créatures ou pas ? MKL, quel est le protocole pour les études de forme de vie nouvelle ? Bien reçu. Je reviens au vaisseau lab. Terminé. Je me demande de quoi elles ont l'air quand même. Créatures au loin, mais je n'ai eu aucun visuel. Je vais essayer de recontacter Kit. Il n'a pas répondu quand j'étais dehors. Je devais être trop loin pour atteindre le relais du vaisseau lab. Je n'ai pas pris d'échantillon, mais je vais te transférer mes résultats d'analyse si tu veux. De rien. Star Home. Ici le vaisseau lab 20 et Eurapoint. Star Home, ici le vaisseau lab 20 et Eurapoint. Répondez Star Home. Ici Star Home, vaisseau lab 20 et. Veuillez décliner votre matricule s'il vous plaît. Mon matricule est DN1 et je suis accompagné de l'intelligence artificielle de bord MKL. Nous sommes en mission dans le secteur 00-00-00. Depuis 15 357 jours, sous la direction du docteur Kit Franklin. Vous allez être mis en contact avec le scientifique responsable de votre mission. Ne quittez pas. Vous allez être mis en contact avec le scientifique responsable de votre mission. Ne quittez pas. Vous allez être mis en contact avec le scientifique responsable de votre mission. Ne quittez pas. Ici le docteur Dan Lee de Star Home. Je vous reçois bien, vaisseau lab 20. Vaisseau lab 20 et... Vous n'êtes pas le docteur Franklin ? Non, je suis le docteur Dan Lee. Je suis le nouveau scientifique en charge de votre mission. Mais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi vous n'êtes pas Kit ? Kit ? Le docteur Franklin. Cela fait 15 357 jours que nous communiquons ensemble. Pourquoi avez-vous pris sa place ? J'ai été l'apprenti du docteur Franklin pendant des années et je connais votre dossier par cœur. Où est-il ? Le docteur Franklin est à l'hôpital. Pourquoi ? Cela n'a rien à voir avec votre mission, vaisseau lab 20 et. C'est vrai. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos derniers logs, s'il vous plaît ? Tout de suite. Rien à signaler ? Tout est dans les logs. Très bien. Je vous envoie les coordonnées de votre prochain point de recherche. Merci beaucoup, vaisseau lab 20. Vous pouvez m'appeler DN1. Pardon ? Rien. Coordonnées acquises. Déconnexion. Déconnexion. Je vais prendre la carte. capsule d'exploration, et lorsqu'on y sera, je te laisserai mettre le vaisseau là, voilà pris. Je vais explorer les fonds marins pour vérifier l'accroissement de la faune et de la flore sous-marine depuis la dernière fois. Si l'orage n'est pas calmé, je t'enverrai un signal pour venir me chercher. Éjection. Immersion réussie. Tu peux y aller, MKL. Initiation de l'exploration. Plongée entamée. Encore un peu. 250. 500. 750. 1000. Radar enclenché. Flore intacte. Les plantes reprennent de plus en plus d'espace. Espèce animale détectée. Imposante. Impossible de déterminer leur régime alimentaire pour l'instant. Créature en approche. A fait fuir les autres espèces animales du secteur, même les plus grosses. Elle se rapproche. Créature hostile, redémarrage des moteurs. Bouclier ionique activé. Charge ionique réussie. Créature hostile disparue. Redémarrage des moteurs. Début de l'ascension. MKL. MKL, tu peux venir me récupérer aux coordonnées 68.848476 14.622305. Envoi d'une sonde de collecte de données. MKL, je vais avoir besoin de réparation. Vous allez être mis en contact avec le scientifique responsable de votre mission. Ne quittez pas. Ici le docteur Dan Lee de Star Home. Je vous reçois bien, vaisseau Lab 20. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai eu un accident dans les fonds marins Norse. Une créature hostile a attaqué mon submersible d'exploration et nous a causé des dégâts à tous les deux. D'accord. Quand j'ai reçu votre log, ça avait l'air très grave. Votre IAB vous a changé les pièces touchées? Oui. La liste vous a été transmise afin d'assurer un envoi de nouvelles pièces de rechange. Ouais, effectivement. Très bon travail, DNA. Où vous trouvez-vous actuellement? Reconnaissance du site aux coordonnées 48.585680.7.828275. Très bien, vaisseau Lab 20. Je vous laisse procéder à votre reconnaissance. Bon travail, comme toujours. Docteur Lee? Oui. Savez-vous quand reviendra le docteur Franklin? Je ne sais pas, mais je vous préviendrai quand j'en saurai plus, d'accord? Bien reçu. Déconnexion. Je pars en exploration, MKL. On dirait qu'une nouvelle forme de félidée est apparue ici. Ah, il bouge trop, je n'arrive pas à l'analyser. Viens par ici, petit. Tu n'as pas à avoir peur, je ne suis pas programmée pour être l'état. Je veux juste t'analyser pour déterminer ce que tu es et d'où tu viens. Tu vois, pas besoin d'avoir peur. C'est bien. Analyse terminée. Oh, tu n'as que quelques semaines, toi? Tu es si grand déjà. J'aurais cru que c'était ta taille adulte. Je détecte une autre présence. Au revoir. Je suis très amochée. Je vais avoir besoin de réparation. C'est bon, j'ai vu l'étendue des dégâts. C'est bon, j'ai dit. MKL, j'ai besoin de réparation. MKL. Mise en route vers le vaisseau Lab. Temps estimé à 8h54. Thank you. MKL, prépare-toi. J'ai beaucoup de réparations à faire. MKL ? Oh non. MKL, tu es toujours là ? Je suis désolée, mon ami. Vaisseau Lab 20T, ici le docteur Lee. Vous me recevez ? Oui. On n'a pas eu de nouvelles de vous depuis 2 cycles. Qu'est-ce qui se passe ? Mon intelligence artificielle de bord est hors service. Hein ? Mais comment ça se fait ? On a été attaqué par une nouvelle espèce féline. Je suis très endommagée et le vaisseau Lab aussi. D'après mes calculs, il ne me reste que 17 jours d'autonomie. Ah. Bien, je peux récupérer vos informations et envoyer un nouveau vaisseau Lab pour vous réactiver ? Comment va le docteur Franklin ? Il est décédé il y a 2 semaines des suites d'une longue maladie. Vaisseau Lab 20T ? Envoyez une nouvelle équipe. Je n'ai pas besoin que vous me réactiviez. Merci et bon courage pour la suite, docteur Lee. Quoi ? Nous maintenant.